De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Noémie, bonjour. Bonjour Yves. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Bah, parfaitement. Noémie qui a le site Les Outils de Noémie qui nous propose chaque semaine donc, des outils pour mieux communiquer entre nous, quel que soit l'âge d'ailleurs. Avec soi ou avec les autres. Et la semaine dernière, tu nous as parlé du rôle de sauveur. C'était quoi un sauveur ? On a vu qu'on peut facilement tomber dans ce rôle de sauveur. Alors comment sortir de ce rôle ? Là. Oui, ça peut nous arriver tous, hein, même à moi en connaissant le fameux triangle de Cartman, victime, sauveur et persécuteur. Mais Cartman, hein, ça n'a rien à voir avec Cartman non, de South Park. Non, c'est avec un K et un P, Cartman, qui nous parle de cette posture qui en fait met en place des enjeux de pouvoir en fait. Quand on est un sauveur ou un persécuteur ou une victime, même en fait on a un pouvoir sur l'autre. Comment sortir de ça ? Si on se focalise sur la posture du sauveur, qu'on peut tous avoir au quotidien, et qu'on a vu que c'était pas toujours très juste, ni pour soi, ni pour l'autre, comment on fait pour en sortir ? Bon, je me suis rendu compte que j'étais sauveur, puisque j'ai rendu un super service à un copain, il est en colère contre moi, je ne comprends pas. Comprends donc pas là, pourquoi. C'est sûrement une posture de sauveur. Donc, on s'est posé les 5 questions. Est-ce qu'on a demandé à l'autre ? Et bah, du coup, pour en sortir, essayez de faire l'effort plus souvent, de vérifier si l'autre a besoin d'aide. Tiens, mon voisin est en train de galérer dans le bureau, je vois qu'il souffle, qu'il soupire fort. Ben, avant d'anticiper et de dire « bon, moi, je vais te faire ton travail ou je vais te prendre un dossier », est-ce que tu as besoin d'aide ? Voilà. Est-ce que tu voudrais que je te donne un petit coup de main ? Et en fait, c'est peut-être pas ça, il a juste besoin de râler un bon coup pendant 10 minutes et puis c'est bon, après il passera à autre chose. Déjà une simple question, est-ce que tu as besoin d'aide ? Voilà, poser la question, vérifier si c'est OK. Ensuite, il y avait la question, est-ce que j'en ai envie de le faire ? C'est avoir cette vigilance d'être connecté à soi et à ses besoins. Et est-ce que j'ai envie d'aider cette personne ? Est-ce que je me sens obligée de le faire ? Ou est-ce que je suis rentrée dans un fonctionnement où c'est systématique que je le fasse ? Si ça se crispe en moi, c'est certainement que j'ai pas envie de le faire et c'est beaucoup plus sain de faire les choses en étant bien clair avec soi-même. Donc, si y a une crispation à l'intérieur de soi, écoutez-vous, ne vous forcez pas à aider. Les autres questions, c'était est-ce que c'est mon rôle et est-ce que c'est ma compétence ? Là, je pense que c'est plus facile à répondre. Mais ce que je vais vous inviter à faire aussi, à vous poser comme question, c'est accepter. Est-ce que je suis capable d'accepter que l'autre, il n'ait pas le même rythme que moi ? Des fois, c'est évident quand on a du recul de se dire, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Et bien, en fait, l'autre, c'est se dire, en fait, il n'a pas la même temporalité, il n'a pas le même rythme, il n'a pas non plus la même façon de faire. Donc, si Brigitte est en colère contre Manu parce qu'elle fait tout le temps la vaisselle, peut-être aussi, des fois, c'est parce que Brigitte a beaucoup besoin de contrôle et que les choses soient faites comme elle a envie. Donc là, si elle laisse aussi Manu faire à sa façon, donc ça veut dire, moi, je veux bien faire la vaisselle, mais pas tout de suite après manger. D'abord, je vais prendre mon café et puis je vais faire ma vaisselle pas de la même façon que toi, t'as l'habitude. Et ça, c'est aussi savoir lâcher prise et accepter que l'autre, il n'a pas le même rythme que moi, il n'a pas la même façon de faire. Et ce que nous, on trouve pas bien, c'est juste que c'est différent, c'est notre façon de faire. Donc ça, c'est ce travail à faire de sauveur, de dire, OK, l'autre, il va à son rythme et j'accepte son rythme. Ça paraît simple. Ouais, non, mais on est d'accord. On fait de temps en temps quand on peut. C'est de la CNV, c'est pas du H24. J'ai déjà dit, même moi, en sachant ça, ça m'arrive forcément de tomber dans la posture. Mais voilà, être vigilant de temps en temps, avoir un petit signal d'alerte. D'ailleurs, en parlant de CNV, mais faisons des messages clairs. C'est-à-dire, si Brigitte est agacée parce que Manu ne fait pas la vaisselle, et parce que aussi, souvent, j'entends, quand je fais des accompagnements, il faut nécessairement que je lui dise de le faire. Si je lui dis pas, il fait pas. Eh bien oui, en fait, faites le deuil que la personne ne sait pas lire dans vos pensées. Donc faites des messages clairs. Manu, cette semaine, j'ai fait la vaisselle à chaque fois. Le fait, d'accord ? J'ai fait la vaisselle à chaque repas, du lundi jusqu'au dimanche. Je suis agacée et je suis découragée, ce que je ressens. J'ai besoin de soutien, de coopération. Et voilà, on a fait le fait. Les émotions, les besoins, on a fait un message clair. Et peut-être que Manu, du coup, ça va lui faire un tilt. Et puis, on peut même aller jusqu'à la demande. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution ensemble pour que ce soit plus léger pour moi, la tâche de la vaisselle ? Laissez l'autre se tromper. C'est vous qui croyez qu'il se trompe, en fait. Peut-être qu'il fait son chemin. Et aussi, travailler sur vos limites et vos besoins. Savoir ce que vous acceptez de faire, ce qui est OK pour vous de faire. Merci beaucoup Noémie. Avec plaisir. Je vous invite aussi les auditeurs à retrouver toutes les chroniques de Noémie parce que toutes les semaines, elle nous parle de toutes ces notions. Vous avez bien sûr toutes les chroniques disponibles sur le site de la radio, fadjet.net et sur Spotify ou les différentes plateformes de streaming. La semaine prochaine, Noémie, tu nous parles de quoi ? Alors, on revient sur les messages risqués parce qu'en fait, il y en a un certain nombre. Donc, je fais ça petit paquet par petit paquet. Donc, les messages risqués, deuxième partie. Merci. Merci à toi. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.